ça va beaucoup trop vite. Je suis pas à la recherche du gros fit, pas non plus du profit. J'ai sûrement pas le profil type qui plaira à vos filles. Y'a que les flics qui me filent au PJ, j'ai le droit à un coup de fil. Triste est mon parcours, j'ai le cœur fan et cabossé. Des ennemis partout qu'aimerais pouvoir m'embrocher. Je suis boycotté frère, je ne cesserai pas de le répéter. Je fais le nécessaire pour mettre bien mes équipiers. Bellec, à où tu mets le pied? Le vice n'est pas une juste cause. Et pourquoi tu cries, moi je crois? Tu veux vraiment que les choses se corsent? Je les vois faire les shows encore quand ils sont sous l'emprise de la corde. Le chétan te tend la corde, insouciant, tu mets le coup. Il est facile tomber dans le trou là où les âmes perdues s'engouffrent. Non, tu trompes pas, ça sent le souffle. Autour de nous, le mal engouffre. Tira pas loin sans housse, donc tire avant de la douce. Les petits tirent dans la foule, ça te chourra ton V12. Authentique et vécu, je me vois pas tendre mon cul. LOS Gringos, frère, c'est forgé sur le bitume. Je vois mes collègues qui titubent, et toi tu rigoles, petite pute. Que des titulaires dans l'équipe, un point tu es, tu l'évites. Hey, ici ça va beaucoup trop vite. J'suis pas à la recherche du gros fit. Pas non plus du profit, j'ai sûrement pas le profil type qui plaira à nos filles. Ici ça va beaucoup trop vite. J'suis pas à la recherche du gros fit. Pas non plus du profit, j'ai sûrement pas le profil type qui plaira à vos filles. J'ai beaucoup trop donné, beaucoup trop pardonné, sûrement trop tourné. J'en ai cerveau retourné et de strap game pourri. Rien à foutre d'être taulier, t'es arrivé le premier. Le lendemain tout a basculé. À l'SS donc t'es crari, tu deviens gênant comme une carie. Rien à foutre tes putes calines, je me demande du tout, je vais leur caler. Tu me vois me rapprocher de mes ennemis, c'est pour mieux les entuber. Tu sens le cul de près, Boukave et Schmitt font que ça couplet. J't'ai lâché plus de 100 couplets, rien à changer, j'fais que m'engouffrer. J'manque de housse frère, un doute pour voyager dans l'atmosphère. La tôle certes, ça va tant qu'il y a de l'euro sur le pécule. Vécu, aussi le regard noir dans le véhicule. Regarde ce que tu véhicules, j'avance et toi tu recules. J'vise dans le but car j'atteins l'esprit de l'auditeur. Plus de 1100 pleurs cramés. Eh hey, frère, ça vient du cœur. Plus de 1100 pleurs cramés. Eh hey, frère, ça vient du cœur. Eh, hey, ici ça va beaucoup trop vite. J'suis pas à la recherche du gros fit. Pas non plus du profit. J'ai sûrement pas le profil type qui plaira à nos filles. Ici ça va beaucoup trop vite. J'suis pas à la recherche du gros fit. Pas non plus du profit. J'ai sûrement pas le profil type qui plaira à vos filles. Ici ça va beaucoup trop vite. J'suis pas à la recherche du gros fit, pas non plus du profit. J'ai sûrement pas le profil type qui plaira à vos filles. Y'a que les flics qui me filent au PJ, j'ai le droit à un coup de fil.